rêver. Dans la vie, nous ni émotion. Toujours pour faire nous planer. Imaginez un moment d'endresse. Toujours plein et puis caresse. Désirer avec plaisir. Envie c'est pour toute la vie. Amour est toujours passion. L'amour sans altération. Miroir reflet de ma vie. Couloir, je cours d'envie. À nous partager, tiens-nous. Fais voyager pour nous. Désir rime avec plaisir. Envie c'est pour toute la vie. We'll be right back.